Lettre 61e. Calpurnie à son frère Lucius Pison. Nicomédie, décembre 302. Je dérobe quelques instants pour acquitter ma promesse, mon cher Lucius. Tu connais ma paresse, il m'en coûte beaucoup pour commencer à écrire, mais lorsqu'une fois je suis en train, il m'en coûte tout autant pour m'arrêter. Après cela, attends-toi à des lettres longues et rares. Nous vivons à présent dans une dissipation continuelle. Quel dommage que tu ne puisses pas en jouir avec nous. Les plaisirs de tout genre se succèdent à l'envi. Des fêtes publiques, d'autres à la cour, des réjouissances pour la paix et pour le mariage du roi d'Arménie. Voilà ce qui remplit la vie de ta sœur. Et tu peux croire qu'elle n'y joue point un rôle indifférent, comme fille du proconsul, comme amie de la nouvelle reine d'Arménie. Et pourquoi ne le dirais-je pas comme jolie femme qui entend mieux qu'aucune autre l'art de varier sa parure et de paraître tous les jours sous un costume ou plus riche, ou plus élégant, ou plus recherché que celui de la veille. Il faudrait vraiment, ou que je ne fusse pas une femme, ou que je fusse devenue tout à fait stoïcienne, pour que la tête ne me tournât pas un peu de mes succès. Je sais d'avance que je serai citée, enviée, imitée, et cette idée anime encore mon imagination. L'affaire essentielle de la toilette demande donc du temps, du travail, de la réflexion. Puis les heures qu'il faut donner à la représentation, aux festins, aux danses. Et tu comprendras qu'il reste peu de temps à ta Calpurnie pour les occupations domestiques et pour notre correspondance. Dans les courts moments de repos que je pourrais te consacrer, tantôt un ami, tantôt les nouveaux époux viennent troubler ou plutôt animer ma solitude. On cause, on plaisante, et comment résister à l'amitié ? La journée s'écoule comme une minute, et lorsque l'heure du sommeil arrive, Morphée me retrace avec complaisance les scènes de la veille. Je suis heureuse et contente plus que je ne le fus de ma vie. Je sens que le plaisir est vraiment mon élément. Je me porte mieux, je suis plus aimable, plus jolie et meilleure quand je m'amuse. Mais je m'aperçois que je te parle de nos plaisirs et de nos fêtes sans t'en apprendre la cause. Je vais tâcher de saisir mon imagination par ses ailes pour la forcer à s'arrêter et te raconter avec ordre tout ce qui s'est passé. Il y a environ 3 semaines que Dioclétien, Galerius et Tiridate firent leur entrée triomphale. C'est la plus belle fête que j'ai vue, même à Rome. Les autorités et les personnes du premier rang de Nicomédie allèrent au-devant d'eux en grand costume, mais tout disparut à l'approche de la cour. Je t'avouerai que malgré la magnificence sans égale qui entourait l'empereur et César, ils me firent peu d'effet. Je soupçonne que la moitié de la population de Nicomédie, dont je fais partie, fut du même avis que moi, et que les femmes n'ont vu en eux que 2 vieillards courbés sous le poids des ornements et des années. Le roi d'Arménie et le prince Constantin, qui les suivaient immédiatement, n'en parurent que plus à leur avantage. Jamais encore je ne les avais vus aussi beaux, aussi brillants. Ils montaient des chevaux magnifiques, qui paraissaient fiers de les porter. Le soleil étincelait sur leurs armures, les plumes de leurs casques voltigeaient dans les airs, ils étaient entourés d'une foule brillante aussi de parures, et dont l'opinion était partagée, ne sachant lequel admirer le plus, ou du blond et sérieux breton, ou de l'arménien aux yeux noirs, au teint brun, à la mine affable et gaie. Près d'eux et dans leur suite était Agathoclès. Son costume de tribun était magnifique, et tel que la circonstance le demandait. Mais je dois t'avouer avec sincérité qu'autant il me plut lorsqu'il jouait le premier rôle, comme messager de la victoire, quand tous les regards du peuple étaient fixés sur lui seul, autant il m'a paru éclipsé à côté de la gloire qui entourait les 2 princes. Quelle que soit l'opinion des philosophes, la beauté et la naissance ne sont point des qualités indifférentes. Si elles ne procurent aucun mérite réel, elles font du moins ressortir celui que l'on possède. Tiridate, avec toutes ses vertus et ses grâces, fils d'un simple citoyen, et qui aurait perdu sa fortune par un malheur quelconque, exciterait sans doute notre pitié, et nous nous réjouirions si le sort lui rendait son patrimoine. Mais combien nous éprouvons un intérêt plus vif en voyant un prince, dernier rejeton d'une maison illustre, et qui devait gouverner un jour des millions d'hommes, privé du trône de ses pères par un usurpateur, en danger de perdre la vie, sauvé par le secours d'un vieux serviteur et réintégré dans son empire par les armes de ses amis et par sa propre valeur. on jouit de le voir entrer dans ses droits, dirigeant de nouveau le sort d'une nation et remontant sur le trône de ses ancêtres. L'intérêt qu'il inspire est d'une toute autre nature, l'imagination se monte, et lorsque cet homme possède, comme lui, la figure la plus noble et la plus belle, un esprit vif et brillant et un courage à toute épreuve, l'enthousiasme qu'il inspire est à son comble. Les poètes connaissent bien cette magie attachée à un rang élevé et à la beauté. Voilà pourquoi ils nous représentent des princes, des héros, des dieux même courbés par l'infortune et relevés par leur courage, et toujours ils ont soin de leur donner des figures remarquables, comme celle du roi d'Arménie, qui est à mon goût le plus bel homme que j'ai rencontré même dans les poèmes. Vers le soir, il vint chez nous, accompagné d'Agathoclès. Dis-moi pourquoi le charme avait disparu. Ce dernier mit simplement, avec sa figure noble et sérieuse, son entretien si plein de choses, si animé par son éloquence, à laquelle il joignit ce jour-là beaucoup de grâce, Agathoclès, dis-je, reprit bientôt sa place dans mon cœur, à côté au moins de Tiridate. Sa profonde tristesse, qui le rendait incapable de partager le plus léger plaisir, a maintenant fait place à une douce mélancolie, qui le rend très intéressant. Il fut ce soir-là très amical avec moi, mais avec beaucoup de calme. Tiridate avait résolu de se rendre à Saint-Iom le lendemain pour chercher son épouse, avec la pompe convenable au rang où elle va monter. Il m'accorda un jour de retard pour me donner le temps de prévenir Sulpicie et de la préparer au bonheur qui l'attendait. Le troisième jour, il partit avec une suite d'esclaves, de chevaux et de chameaux qui portaient ses présents de noces à la future reine d'Arménie et qui devait l'escorter jusqu'ici. J'étais allé la veille auprès de Sulpicie pour la prévenir moi-même. La réception de Tiridate fut telle que je m'étais attendu. Estime, reconnaissance et tendres égards d'un côté, et de l'autre une exaltation de sentiments portés au plus haut point. Dès que Sulpicie fut remise de son émotion, elle monta dans une magnifique litière, portée par 8 Cappadociens très richement vêtus, qui se relevaient d'un moment à l'autre. Elle arriva à Nicomédie, où je m'étais rendu avant elle. Je la reçus à la porte de la superbe maison que Tiridate avait achetée et meublée pour elle, avec tout le luxe imaginable. Elle y est restée 8 jours seule avec ses esclaves avant celui de ses noces. Ils ont été consacrés aux arrangements de fête, au choix des étoffes, des bijoux, etc. Le jour de la fête de la paix qu'Auguste célèbre solennellement fut aussi celui du mariage de Sulpicie avec le roi d'Arménie. Elle parut avec un luxe qui effaçait presque celui de l'épouse et de la fille de Dioclétien. Tiridate le voulut ainsi. Il n'oublia rien de ce qui pouvait prouver hautement l'estime et la vénération qu'il a pour la compagne qu'il s'est choisie. Depuis ce jour, les fêtes n'ont pas discontinué, et rien ne trouble la joie que j'éprouve, que l'idée bien triste, il est vrai, de ma prochaine séparation d'avec Sulpicie. Un repas mortel succédera bientôt à toutes ces réjouissances. Dès qu'elles seront finies, Tiridate veut emmener sa femme à Ecbatane. Sulpicie est assez bien remise pour entreprendre ce voyage. Son esprit est tranquille et la source de ses peines doit être tarie. J'espère qu'elle se rétablira tout à fait. Je jouis de son bonheur, mais je souffrirai beaucoup de son absence. Je regrette aussi Tiridate. Il me manquera. À présent qu'il n'a plus ni doute ni inquiétude sur son sort, et que son amour ne l'absorbe plus comme lorsqu'il était à Rome, tu ne peux te faire une idée combien il est aimable. Sa gaieté anime, Sulpicie, et moi, comme tu me connais, je ne reste pas en arrière, en sorte que nos petites réunions sont très animées et fort agréables. Agathoclès en est souvent. Il ne s'égaye pas, mais il laisse les autres s'égayer et quelquefois il a l'air d'y prendre part. Celui-là me reste, il est vrai, mais son silence et sa mélancolie ne seront pas un dédommagement de la perte que je vais faire. Il est ennemi juré des plaisirs bruyants, du luxe, des réjouissances publiques. C'est au point qu'il était presque décidé à se retirer à Saint-Iom le jour même où Sulpicie le quitta, pour éviter toutes les fêtes et se livrer entièrement à sa tristesse. Tu conviendras que cette retraite, dans un tel moment, aurait été un peu singulière. Nous nous y opposâmes si fortement qu'il céda enfin à nos instances. Les dieux savent quelle sera sa manière avec moi quand nos amis seront partis, et que tout sera rentré dans le calme. Je vois arriver ce moment avec horreur, mais je cherche à éloigner ces tristes idées qui me gâterait mes jouissances actuelles. Adieu, mon cher frère. Je vais chez la reine d'Arménie pour oublier entre elle et son Tiridate toute pensée affligeante.